Une émission de musique sous licence libre. Et bonjour. Bonjour. Comme une oreille, rumeurs et autres cancans. Émission de février 2018. À ce qui paraît, on risque de faire des blagues un peu lourdes, hein, tout le long de l'émission. Mais tout est faux, rassurez-vous. En tout cas, on avait envie de faire une programmation toujours sous licence libre, comme c'est le cas dans toutes les émissions de Comme une oreille. C'est spécial les événements qui se sont autodénommés Rago Bobar et autres cancans qui sont organisés à Fort Calquier durant le mois de février 2018. Donc là, on vous propose de vous balader dans les sphères sonores à suspense, des créations d'informations de réalité qu'on pourrait dire malmenées, voire irréelles. Et voilà, on va vous emmener dans des musiques très variées, comme souvent c'est le cas dans Comme une oreille, qui sont toutes bien réelles, et aussi des morceaux de son, vous verrez, impromptus, voire des créations sonores. Voilà un peu pour l'introduction. Et tout ça sous licence libre, comme on a l'habitude de le faire, ce qui nous a fait faire des recherches un peu difficiles, mais intéressante en tout cas. On va commencer par un groupe de punk celtique, hein, c'est pas tous les jours qu'on écoute du punk celtique, et ça s'appelle LTS, le groupe, le morceau s'appelle La Rumeur, c'est pour ça qu'on l'a choisi. LTS, c'est Long Time Survivor, ça s'appelait. C'est un groupe qui n'existe plus, qui faisait partie d'un collectif breton, donc... Ils n'ont pas survécu si longtemps. Non, finalement. Mais bon, on écoute quand même leur musique, leur survie, et on a le droit de la diffuser puisque c'est sous licence libre. C'est parti. Fait le tour des oreilles, ne portant pas toujours avec elle les merveilles. S'amplifie, se déforme en suivant son chemin, et se termine souvent par des ragots malsains. Et puis chacun trouve son petit mot à dire, comme s'il fallait absolument contredire. Enfoncer la tête de celui qui va se noyer dans la mer des ragots, aux vagues déchaînées. Allez, cours! À la rumeur naissante de prendre très vite une taille importante. Cette spirale incessante qui n'arrête pas de monter, où le moindre des gestes est analysé, enregistré, déformé et puis rediffusé. Ce soir la rumeur gronde, un nouveau ragot est né. Allez, la rue vit, la rue vit. La rue parle, la rue parle. La rue meurt, la rue meurt. La rue écrit sur les murs ses humeurs. La rue crie ou murmure cette rumeur. Parfois, la rue prie, la rue se perd. La rue a peur quand le peuple se rue sur les idées mortes de médias menteurs. Alors, les murs se heurtent au bulldozer de la pensée et la rue se fracasse le crâne contre ses portes fermées. Elle se fait bélier pour avancer tête haute, ventres à terre. C'est ici Belzébuth pour les autres, endimanché Cerbère. Dandy dédaignant cette plèbe qui plaide non coupable, quand dans diablé farandole, carmagnole, caracaigne, saigne ses veines gonflées d'espoir, jusque dans les caniveaux, oubliettes de l'histoire, arrosant d'une dignité vaine l'aube du grand soir, avec, pour l'unique soleil, un réverbère au zénith, éclairant le chemin de ses libertophiles fanatiques. Penseurs ou illuminés, ces éternels marcheurs se font allumer dans un noir total, une nuit totalitaire. Ils périssent alors leur demeure. Château de carton, palais d'asphalte et de béton, érigé à la sueur de leur sang, de leur front, à la puanteur rance de ceux de leur rang, partageant la même bouche, le même suaire. La rue a parlé, la rue a vécu, la rue a fait front, aujourd'hui vaincue, foudroyée, demain triomphante, relevant les affronts. La rue était prise, mais la rue a péri, éprise de liberté. Éprise de liberté. La rue vit, la rue vit. La rue parle, la rue parle. La rue meurt, la rue meurt. La rue. La calle habla. Aquí calle muerte. Acá calle amor. La calle escribe en la pared su humor. La calle siempre murmurará este rumor. La calle siempre murmurará este rumor. Puente Llaguno, teatro del horror. Cuando llegó el rostro del odio, el olor del azufre y del sufrimiento de un pueblo petrificado en una estatua de plomo. La mano del imperio golpeando al pueblo en el puente Llaguno deviene un cementerio este jueves negro. Negro, negrito, a este escenario sucio de un guión gringo muy conocido, pero la vida no es un espectáculo y no necesitamos tal escenógrafo. Ahora basta el temor, de los ojos del pueblo desapareció el terror. Ahora basta el terror, de los ojos del pueblo desapareció el temor. Ahora calle vive, calle habla, calle muerte, calle amor. La calle siempre murmurará este rumor. La calle siempre murmurará. Voilà, c'est comme une oreille sur les musiques autour de la rumeur, hein, musique sous licence libre autour de la rumeur. Donc là, on vient d'écouter à l'instant Le Milieu, le collectif Le Milieu, qui est un collectif de Caen, qui a été créé par des slameurs, qui ont créé des soirées au début des années 2000, ce soir on slamait. Et super découverte ce groupe, Le Milieu. Très bonne parole, moi j'ai rien compris aux paroles en espagnol, mais par contre en français c'est très bien. Ça suit un peu ce qu'ils disent aux français, dans un très bon espagnol. Okay. Bravo en tout cas pour cette découverte. C'était vraiment bien. Et donc juste avant, on écoutait LTS, tiré de l'album Intime Océan. Et Le Milieu, là c'est tiré d'un autre, d'un album complet aussi qu'on peut écouter en entier, et dont j'ai oublié le titre. Mais on y retrouvera. Donc le morceau s'appelait Rue et Rumeur. Voilà. Et vas-y. On est entré avec ces deux premières chansons qui sont assez parlantes au niveau des textes de LTS et du milieu. Et comme on va vous proposer surtout de la musique, mais pour dire un peu des choses par rapport à cette thématique de rumeur, à savoir que l'étymologie de ce terme, c'est bruit qui vient d'une armée en marche. Donc voilà, ça pose déjà la base. Et après, bon, les essais de définition ou général, voilà, il y a des spécialistes, des sociologues, des personnes non spécialistes qui réfléchissent sur une définition. Mais en tout cas, celle qu'on pourrait donner, c'est que la rumeur, elle est basée sur des choses qui sont non rationnelles, qu'elle ne s'intéresse pas de la réalité, mais qu'elle joue sur des représentations, des mythologies. Et elle vient masquer justement la réalité, s'il y en a une, et l'imaginaire. Et elle joue beaucoup sur les affects. On pourrait dire en conclusion que c'est quelque chose, une information qui circule, qui n'est pas trop étayée, mais que l'on peut croire. Il faut qu'il y ait quelque chose pour que les gens s'y accrochent, pour faire circuler cette information. Sinon, il y a pas rumeur. Elle est en général sur des non-vérités, sur des mensonges ou sur des bobards, mais elle peut aussi être vraie. Et que la rumeur, c'est pas le fait, mais c'est le canal, c'est le tube, c'est le réseau. Voilà. Qui n'est pas justement les faits comme les fake news, mais la forme de comment elle est alimentée. Et qu'elle est souvent très liée à l'état de la société. Donc des rumeurs surviennent à des moments de crise, des moments de guerre, ou des moments de, on pourrait dire, de tension en ce moment avec ce qui peut se passer au niveau politique, social, de possibilité de circuler ou pas. Voilà, pour aller vite ce que peut arpenter ou comment on pourrait définir ou penser là où les rumeurs plutôt, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Et du coup, défendre la libre circulation de la musique sur Internet, comme on le fait dans cette émission Comme une oreille, c'est propager une rumeur. On va écouter... Ça peut. Est-ce que la musique peut-elle être libre? Et la musique est-elle simplement une rumeur? On va écouter Rumors, en tout cas, un groupe qui s'appelle... un mec, je ne crois pas que ce soit un groupe, je crois qu'il est tout seul, qui s'appelle Rumors RZ, RZ comme Radio Zinzine, tiré d'un album qui s'appelle Parachute, comme une émission qu'on accueille sur Radio Zinzine, et dont on salue Charles. Super émission musicale, si vous avez l'occasion d'écouter, le samedi soir. À 22h, ouais, sur les ondes. Et on se disait qu'en tout cas, c'était un signe qu'on était obligé de la passer. Voilà. En plus de la qualité du groupe que vous allez pouvoir découvrir. Très bon morceau qui s'appelle Drink, Boire, par Rumors, hip-hop plutôt trap. Et ensuite, on va écouter un autre groupe de hip-hop qui s'appelle The Impossible Bulls, un jeu de mots avec les taureaux. The Impossible Bulls, donc, et le morceau s'appelle Circle of Lies Suite, donc le cercle des mensonges, même si la rumeur n'est pas forcément un mensonge, comme Florian vient d'expliquer. Mais les bobards en sont. Mais les bobards en sont. On écoute donc Rumors et The Impossible Bulls. That whiskey screaming, it missed me. It must be love, cause I feel the same. And we rekindled that quickly. That liquor burned with no need for flaming. I cried hard, but it left me. If that's wrong, I don't wanna be right. You feel that shit? I kill that shit like that drink. Just don't wanna see life. And I don't quite know what I did last night. But woke up at a hole that I did last night. Woke up on my bed and she still ain't left. Shit, I must've did that right. So feed me whiskey on the rocks. I'm not picky, don't need a lot. I like a chick who sort of thick or don't look like they eat a lot. Yeah, bitches, you trying this. Represent they fly shit. I throw MCCDs like frisbees. You a flying disc. Quit a seed, you a lying bitch. I get laid and don't lie for shit. But if I ever did lie, then it's your bitch that I'm lying with. Cause I drink. Drink some more, I like to drink. Drink some more, mix it with smoking. Then I drink some more, I blacked out. Then I passed out, then I woke up. Yeah, I'm broke, still I'm drunk, you know you can't beat that. Hear me rap like a hangover, shit bang my head. Rose from the flow this morning, no, I ain't wake in bed. You wake up and make breakfast, I wake up and I grow up. Blow chunks, brush my teeth, roll blunts, get high, no lunch. Solo cup, warm gin and cold punch. To my own lust, the lone lush, I load up, then go nuts. Attention like bone crust, it's a message to the whole bunch. Fuck y'all, get both nuts. Since you ain't sipping, you tripping, get your own stuff. No, it ain't the alcohol, I'm an asshole. Swig the bottle till I fall, and never pass it, no. The Halliburton has been involved in trading in Iraq and in Libya and Iran by that Secretary Rumsfeld. Why are they given a contract with no bid to put out oil well fires? Well, now we're finding out that it isn't just oil well fires. Halliburton has been designated the oil company for Iraq. They're going to run the oil industry in Iraq, which seems to be questionable. Where the president and everyone else in this administration has said over and over again, the oil in Iraq belongs to the Iraqi people. God damn, I stand with my fists uplifted in a state where our freedom is severely twisted and abused, no news to the rhythm and rebel. I've been fighting this shit with the volume level up to 10 and spending my time on the rhyme battlefield, watching as my brothers are killed with no justice or peace in the middle of hell. And I was out on the aisle when the two towers fell. So now you're gonna tell me that the war is won and what's done is done. And all good, son of a Bush, I've been there before. Got a letter from the government, slid underneath my front door. The poor get fucked while the rich sit amused. And what's left of the Bill of Rights is pimped and abused by the patriots acting like kings, but the black is back. I'm all in with the noise I bring. Gotta bring the noise, gotta bring the vibe. Another desert storm or another Vietnam. With a circle of lies, you know we can't stay calm. We gotta get our shit together. Gotta bring the noise, gotta bring the vibe. Another desert storm or another Vietnam. Running in circles like a track gets looped. Man, they got us duped, I gotta get loose. Maybe pull the metal, but the weight is too heavy. Rather hit you with a rhyme like a 6-2 Chevy. Like any day, anytime, anyone, anywhere. Put a fist in the air, say motherfucker, yeah. Let them fat cats know we're hip to hypocrisy. Won't stand for a fake-ass democracy. Up with the people, down with bureaucracy. No more of your segregationist policy. No more dirty Harry's out there clocking me. No representation, tax man still jocking me. 6 o'clock news, the anchor man's mocking me. Hollywood made a brother a laughing stock, you see. We were killing the name of any block, but the truth be told, we don't know shit in this country. So why do we fight amongst each other when the enemy is obvious? Hundreds of years of straight robbing us. Dignity, culture, language, science, identity. Never really knew what any of these things meant to me. Fill in the void with the shit we don't need, like hatred, mistrust, jealousy, and greed. Capitalism, racism, classism, fascism. Population headed to a fiery cataclysm. Pie in the ground with all the shit on the ground. False promises as the collective plague goes round. Many living high up to hog off the misery. Tirade a refugee, hope y'all feeling me. Gotta bring the noise, gotta bring the vibe. Another desert storm or another Vietnam. With a circle of lies, you know we can't stay calm. We gotta get our shit together. Gotta bring the noise, gotta bring the vibe. Another desert storm or another Vietnam. With a circle of lies, you know we can't stay calm. We gotta get our shit together. And charge the United States. Voilà, on vient d'écouter The Impossibles, qui fait en fait une reprise de Public Enemy. Pour ceux qui connaissent bien Public Enemy, on peut effectivement reconnaître le type de flow de Public Enemy. C'est donc The Impossibles, c'est un groupe de hip-hop qui nous vient des États-Unis. C'est tiré d'une compilation en hommage à Public Enemy. Voilà. Public Enemy, on les connaît bien, ouais, mais ils sont pas sous licence libre. Ah, pas du tout. Voilà. Et juste avant, on écoutait Rumors. Rumors, c'est un groupe de hip-hop du Massachusetts et c'est tiré d'un album qui s'appelle Parachute. Et voilà. Et en tout cas, Rumors, vous pouvez le trouver sur bandcamp.com, qui n'est pas que des musiques en licence libre, mais il y en a. On fait des recherches. Et puis, pour Circle of Lies, vous le trouvez sur Free Music Archive, qui est, comme toujours, une grosse source de références, de groupes et de chansons en musique sous licence libre freemusicarchive.org. On va continuer avec des choses qui sont aussi plus décalées ou rigolotes, parce que les rumeurs peuvent être aussi rigolotes. Il faut savoir qu'une partie de ce qu'on peut nous dire sur les rumeurs, pourquoi les gens lancent des rumeurs, c'est aussi par divertissement. Donc il y en a. Et donc là, on va écouter... Un gars qui se divertit bien. Il s'appelle As2X. S2X, il raconte à peu près n'importe quoi quand même. Et le morceau s'appelle Raconteur de Racontard. Voilà. Un racontard étant donc assez proche de la rumeur. En fait. Oui, il a un bon flow. Ça sera un extrait, après on vous laisse une petite surprise. Et après, il y aura le groupe Zik Riot avec Rumor. Rumeur en anglais. On y va. C'est un nouveau raconteur de racontard. J'avais plein de choses à dire, mais je savais pas trop quoi me dire, et pourtant ce que j'en disais, c'était pas grand chose. Alors je me suis dit, mais disons-nous, honnêtement, pourquoi nous ne disons rien? Pourquoi ça ne se dit pas? Mais franchement, pourquoi ne disons-nous pas? Ça ne se dit pas. Parce que peut-être que ça ne se dit pas, de ne parler de rien. Alors je parle de rien, et j'y vais franchement, comme si de rien n'était. Mais voilà, personne ne sait vraiment pourquoi. Pourquoi ceci ne se dit pas? Mais pourquoi ceci, comme si, comme cela, et comme si, ceci, cela, ne se disait pas? Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Mais pourquoi? C'est un terme qui ne se dit pas vraiment. Et ne se dit pas vraiment non plus, c'est un terme qui ne se dit pas vraiment. Personne ne l'utilise en fait, ça se dit pas vraiment, blablabla, c'est ça là, que c'est de rien n'était. Mais en vrai, ça se dit peut-être. Peut-être que ça se dit peut-être. De dire que ça se dit peut-être. Une rumeur persistante. Une herbe belle, comme un météore. Thank you. Zeke Riot, c'est ce qu'on vient d'entendre. Le morceau s'appelle Rumor et c'est un morceau composé dans les années 60 par un compositeur inconnu mais égyptien. Et Zeke Riot est un groupe de musique et de danse égyptien. Et là, c'est un morceau qui a été enregistré à un festival qui s'appelle The Golden Age, Golden Festival, pardon. Et qui est un festival qui se passe à New York tous les ans avec beaucoup de musique de l'Est et du pourtour de la Méditerranée. Voilà, Zeke Riot donc. Puis en tout cas, voilà, on l'a trouvé avec forcément cette focus rumeur, même là si ça peut nous l'inspirer que musicalement. Et comme tu dis, une musique égyptienne, mais en tout cas moi ça m'a fait parler avec plein d'influences et plein de choses qui circulent justement avec... J'avais les musiques balkaniques, la musique Lesmer, enfin ça m'a emmené dans plein de choses qui circulent aussi, voilà. Et le Golden Festival, c'est, donc tous les enregistrements des différents Golden Festivals se retrouvent sur Free Music Archive, puisqu'ils sont couverts par la radio WFMU, qui est une radio américaine dont on a parlé déjà à plusieurs reprises dans cette émission, qui est vachement ancienne, qui date des années 60 il me semble, et qui diffuse tout son contenu sous licence libre. Et qui fait beaucoup d'émissions musicales et qui invite énormément de musiciens. Et tous les contenus des enregistrements qui sont faits à la radio ou en concert, enfin qui sont des concerts de radio en fait, qui sont diffusés sur Free Music Archive. Et Zeke Riot, vous le retrouvez sur Free Music Archive et ils ont aussi un lien vers leur site internet via ce site. Voilà. Et avant, As de Zeke, c'est Francis de Homérin qu'on a entendu juste avant. Ah oui, donc As2X, ben, on en parlait. Donc As2X, non, je connais pas grand-chose de lui en fait. Hein. Il diffuse que des bêtises en fait sur son Bandcamp. Alors du coup, on sait pas trop qui c'est. Il y a des choses un peu lourdingues, mais là, cette entrée en matière, on l'a trouvée intéressante. Ouais, ça fonctionne plutôt bien, ouais. Raconteur de racontard. Voilà. Et en tout cas, c'est typiquement le résultat de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec très peu de moyens. On peut faire de la musique et puis la mettre en ligne. Voilà, je pense que le type, en tout cas, ne montre pas qu'il a fait des études musicales avant, ni même qu'il se prétend être un artiste ou quoi. Mais en tout cas, il fait des choses et puis il les diffuse. Et voilà, ce que tout le monde peut faire. Donc ça, c'était As2X. Et après, Francis de Homérin. Francis de Homérin, c'est un type qui fait des créations sonores assez expérimentales. Son bandcamp s'appelle Pony Club International. Et c'est que des enregistrements de sons, des petites compositions sonores comme ça. Là, ça s'appelait Une rumeur persistante. Petite virgule qui nous a semblé fort à propos pour cette émission. Je reviens sur on a parlé de Zeke Riot, diffusé par enregistré et diffusé sur Free Music Archive par WFMU, et donc tous ces musiciens qui sont invités à WFMU. Et là, on a eu le grand plaisir de retrouver dans ce cadre-là, donc enregistré par WFMU, une artiste tchèque qui s'appelle Iva Bitova, qui diffuse pas sa musique sous licence libre d'habitude, mais qui là du coup se retrouve sous licence libre pour 4 morceaux d'improvisation qu'elle a fait avec 2 musiciens, dont son fils, en 2017, début 2017, c'est très récent, et elle renoue vraiment avec la musique qu'elle crée depuis les années 80, et c'est une artiste tchèque, une égérie de l'avant-garde musicale tchèque. Elle est d'origine tzigane et elle a vraiment son style. Donc elle est violoniste et chanteuse, elle a vraiment un style très particulier et très reconnaissable. Et moi je suis assez fan de ce qu'elle fait et je suis donc très content de vous en faire écouter un morceau, une petite improvisation. Voilà, on va vous faire écouter ça et après vous aurez une petite surprise de création sonore et on y reviendra après. Thank you. L'autre jour, tiens-toi bien, j'étais à l'épicerie de Saint-Laurent. Oui. 9h pétante, je vois débarquer dans mon magasin un homme que je ne connaissais pas. Crâne rasé, tatouage partout sur le corps. Et je me dis, mais peu cher, je n'ai jamais vu. 2 jours plus tard, je croise les Merciers. Tu sais pas la nouvelle, un homme en string se balade sur la route. Avec des tatouages? Avec des tatouages. Oh, peu cher, eh bien... Eh bien, en fait, on était sur la route, en voiture, on arrivait ici. Et on roulait pas très vite, puisque la route tourne beaucoup. Et voilà qu'en arrivant à l'entrée de la forêt des loups... J'ai aperçu un homme, de dos, bon, le crâne rasé, couvert de tatouages du cou jusqu'aux orteils. Et il ne portait pour tout vêtement qu'un string. Avec ses tatouages noirs, très jolis. Et il n'avait que un slip aussi. C'était un slip string. Et vous avez trouvé qui c'était ou pas? Ben non, il a disparu du jour au lendemain, plus de nouvelles. C'est bizarre. Je sais pas ce que ça peut être, hein. Qu'est-ce qu'il fait ici, pourquoi il est là, je sais pas. Hein. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle il est en string? Ah oui, je crois qu'il a que ça comme appui. Et quand il fait froid, il va dans un autre pays. Les hypothèses sont multiples. Mais t'avais entendu parler de ce genre de car, là, que c'était... Il y a quelques années, là, un car qui transportait des fous, je crois. Qui transportait des fous, qui allait d'un hôpital à... Un centre de vacances. Un centre de vacances, oui. Quelque chose comme ça. Ouais. Très bien. Et le car a eu un accident et est tombé dans le ravin. Et les types sont partis, se sont éparpillés dans la montagne. D'accord. Arte Radio. Bah, peut-être que l'homme en string est un de ces passagers du car qui... Avec les dates, ça correspond. Avec les dates, ça pourrait coller, oui. Ah oui, oui, oui. Et voilà, on vient d'écouter une petite création sonore issue de Arte Radio, comme vous avez pu l'entendre. Ça s'appelle L'homme en string. Et c'est une fiction de Lara Mercier qui est dans un petit village ardéchois accroché à la montagne. Et là où on entend vraiment les personnes parler de ce mystère, cet homme en string, de où il vient. Donc là, on est vraiment dans l'ombre, dans ce qui jase, ce qui se file entre les habitants. Et voilà, des rumeurs et une enquête. Et cette personne a eu un prix du concours des audioblogs en 2015. Voilà, c'est l'homme en string. Et on remercie Emeline aussi qui nous l'a fait découvrir, qui nous l'a envoyé. Et voilà, c'est issu de Arte Radio, vous pouvez l'écouter. Et Arte Radio sont en Creative Commons aussi, en création sous licence libre. Et je voulais juste revenir un petit peu sur Iva Bitova, le morceau d'avant, puisque le morceau s'appelle Improvisation, c'est une improvisation, c'est pas forcément évident le lien avec la rumeur, mais comme on a pu entendre les jeux de voix qui s'échangent, qui s'amplifient, qui se prennent la place. Bon, pour moi, ça faisait sens de rapprocher ça de la rumeur, du ragot, du racontar, des choses comme ça. Ça va, tu t'es bien rattrapé. C'est bon. Bon, mais elle est tellement incroyable aussi, cette musicienne, donc on pouvait se faire un écart, mais je suis content. Et juste comme là, on est dans à nouveau, comme les premiers titres du milieu de LLTS, dans la thématique ou de ce qui peut profiter d'une rumeur, je voulais juste dire, même si c'est pas tout à fait l'espace là comme une oreille, mais il y a plusieurs rôles qu'on prend souvent pour une circulation de rumeurs. Là, on entend la petite fille parler qui est interprète ou une personne qui transmet. Et il y a un sociologue qui s'appelle Cap Ferrer qui a décrit en fait qu'on est tous acteurs et actrices dedans, et lui il met des rôles qu'on prend. Et donc il y a un peu l'instigateur, l'instigatrice, bon ça c'est pas dur, c'est la personne qui la lance. Après il y a l'interprète, celle qui porte le discours, qui essaie de rendre véridique l'information. Après on a le leader d'opinion, où ça s'appelle le portier ou la portière aussi. Et là c'est son avis qui va pourfonder l'opinion et si l'opinion va être pris. Et après il y a les apôtres. Ça tu dois les connaître, Jean-Baptiste. Il y a combien ? C'est ceux qui s'identifient totalement à la rumeur. Et après, il y a le récupérateur ou la récupératrice qui a un intérêt à ce que la rumeur se poursuive, qu'il la croit ou pas. Et après, il y a l'opportuniste qui trouve une forme de récupération ou d'agrément ou de divertissement dedans. Et pour finir, le flirteur, c'est joli ça. Ne croit pas la rumeur, mais il la savoure avec délice et crée un léger trouble dans son auditoire. Voilà, bon, c'est une vision, mais je voulais dire un peu les acteurs et actrices, puisque on en entendra en tout cas dans l'homme en string. Alors, on continue. Alors, continuons. Donc là, on va écouter un groupe qui s'appelle Daily Chaos Delivery, et remixé par Rumors, un DJ qui s'appelle Rumors, visiblement. Le morceau, enfin son titre s'appelle True Love, donc l'amour réel. Bon, je sais pas si c'est un beau bar. On y reviendra. Et ensuite, on va enchaîner avec Kaoman, on dit. Thank you. là, on vient d'écouter à l'instant Kaoman. C'est un Français qui fait des créations sonores. Là, c'était un morceau qui s'appelle Ondi. Ondi et plein de sons assez désagréables à l'écoute, il me semble. Un peu comme si on se retrouvait confronté à plein de blabla qui nous sont dit sur notre dos. Voilà, ça s'entremêle, c'est la texture sonore. Donc c'est Kaoman. C'était très beau dans la vague ambiante, sonore, qui peut nous laisser un peu de trucs angoissants ou sonores, comme les rumeurs peuvent le faire. Ouais. J'ai beaucoup aimé. On vous l'a baissé un peu, mais vous pouvez l'entendre, en tout cas le retrouver sur Bandcamp. Et pour rappel, juste avant, on l'avait annoncé, Daily Chaos Delivery. Et c'était... la chanson s'appelle True Love, et c'est un remix de Remorse Sunray Remix, c'est sur Free Music Archive. Et là, on a aussi un peu... On est allé un peu élargir loin, c'est juste le nom du remix qui s'appelle Rumor, mais voilà, il est ambiant et True Love, l'amour vrai, je sais pas, ça me fait un sentiment de non-vérité ou de rumeur. Voilà, c'est une interprétation complètement personnelle. Et voilà pour ces deux que vous pouvez retrouver sur le net. En tout cas, Daily Chaos Delivery, c'est un duo espagnol. Voilà. Et maintenant, on va écouter une Française qui s'appelle Mademoiselle, qui a un certain succès dans la scène électronique depuis un bon moment. En tout cas, elle a une grosse discographie de près de 20 albums. Et là aussi, on est allé chercher, pour coller à la thématique des rumeurs. En tout cas, c'est peut-être le titre fait un peu écho à la thématique. Ça s'appelle Echoes. Et après, on terminera avec Betelgeuse et la chanson Intona Rumori. Et c'est aussi un duo espagnol, hein, c'est ça? C'est aussi un duo espagnol, ouais. Mais en musique électronique. Là, voilà, en musique électronique. Et on vous laisse cet ambiant et continuer de penser, colporter ou pas des rumeurs avec cette spéciale donc de Commune Oreille Musique et création sous licence libre. On écoute Mademoiselle? Ouais. Allez. Thank you. restez comme une oreille spéciale sur les rumeurs. Rago et autres cancans. Et nous avons écouté, dans l'ordre LTS, Le Milieu, Rumors, The Impossibles, As2X, Francis de Homérin, Zikrayat avec Rumor, Iva Bitova, L'Homme en String, issu de Arte Radio, une fiction de Lara Mercier, Daily Chaos Delivery avec True Love, Kaoman, Mademoiselle et Bételgeuse que vous allez continuer d'écouter pour finir cette spéciale comme une oreille sur les rumeurs. Et on vous rappelle que vous pouvez réécouter l'émission sur le blog de Comme une oreille, communeoreille.blogspot.fr, et émission sur Radio Zinzine tous les deuxièmes lundis du mois à 11h et rediffusion les dimanches suivants à 20h. À bientôt. Sous licence libre.